Haja fé, haja tristeza, haja luta, haja esperança, haja saudades, haja dor, haja desencontros, haja o que houver, que haja amor.